Voici votre bulletin régional. Du 25 juin au 14 août, services d'animation estivale et cours de natation à Istengis. Du 25 juin au 16 août, ouverture des piscines municipales de Istengis. Au parc Nicole, de midi à 19h30, et au parc de la Rive-Sud, de 10h30 à 18h30. Du 25 juin au 27 août, tous les jeudis à 19h30, les concerts de la gare se tiendront à la vieille gare du papier, au 221 rue Saint-Jean-Ouest, Istengis. Le premier spectacle présentera le groupe Orphéon, populaire, 11 musiciens sur scène. Madame Marie-France Marchand me fait part que les 26 et 27 juin, un tournoi familial de balle molle est organisé par le Centre des loisirs de Saint-Isidore de Clifton, au terrain de balle de la municipalité. Bar et restaurant sur place. On complète avec une soirée country dès 19h le 26 et une soirée dansante dès 21h le 27. Cueillette de bouteilles le 27 juin dès 9h à Scottstown. Des bénévoles passeront par les maisons pour ramasser les bouteilles vides. Si vous devez quitter ou ne voulez pas être dérangé, vous pouvez les laisser à l'extérieur. Les 27 et 28 juin, super week-end familial de prospection d'or à Chartierville. Au programme, samedi de 10 à 20h et dimanche de 10 à 17h, prospection d'or en rivière. Aussi, visite de 3 heures d'un ancien site minier. Samedi soir, 19h, feu de camp. Coût, enfant 3$, adulte 5$, famille 12$. Information à 819-560-8522.